Après le succès des implants cochléaires qui permettent aux personnes avec un handicap auditif de recouvrer l'ouïe, l'espoir portait depuis une dizaine d'années sur les implants rétiniens, des greffes d'électrodes sur la rétine, donc connectées ou non à une caméra et à un petit ordinateur qui permettent aux personnes atteintes de certaines formes de dégénérescence maculaire et de rétinopathie de recouvrer partiellement un semblant de vision. En attendant que la miniaturisation fasse son œuvre et que le nombre de pixels restitués augmente avec le temps, mais en 10 ans, malgré de nombreux investissements, l'œil bionique parfait n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. L'œil qui valait 3 milliards, c'est le programme bionique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces implants rétiniens, ceux qui fonctionnent bien et ceux qui fonctionnent peut-être aussi un peu moins bien, ce que l'on peut attendre comme progrès dans les prochaines années, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Noëlle Delifer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en ophtalmologie au CHU de Bordeaux. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Gironde. Et nous sommes ici dans le studio de France Culture à la Maison de la Radio avec Serge Picot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche INSERM à l'Institut de la Vision. Mais avant de se concentrer sur la vision précisément, nous allons garder quelques minutes encore notre regard périphérique sur l'actualité scientifique du jour avec le Journal des Sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et c'est aujourd'hui la journée nationale de la qualité de l'air. On va donc revenir sur les nouvelles cartographies de la pollution de l'air mises en ligne hier par la mairie de Paris. Et sur le site internet paris.fr, vous trouvez deux cartes. Une qui mesure en temps réel le taux des polluants présents dans l'atmosphère et une seconde pour les prévisions à venir. Ces cartes, ça représente 10 ans de travail. Elles ont été élaborées par Air Parif, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air. Des capteurs laser sont placés sur des véhicules et des stations fixes partout dans la ville et ils produisent environ 2 millions de relevés quotidiens qui sont ensuite modélisés. Différents polluants sont mesurés, des gaz tels que le dioxyde d'azote et l'ozone, mais aussi les particules fines et ultra fines. Sans surprise, ce sont les grands axes routiers qui sont dans le rouge, et plus surprenant, les bouches de métro. Pour le dioxyde d'azote, on se rend compte que 1,2 million de franciliens sont soumis à un dépassement des valeurs limites près du boulevard périphérique. Les niveaux sont deux fois supérieurs au seuil réglementaire. Pierre Pernaud est ingénieur en pollution particulière. Il développe ses outils cartographiques chez Air Parif depuis plus de 15 ans. On mesure différents polluants et parmi ces polluants, on mesure différents types de particules. Pour les particules, vous avez deux façons, pour faire simple, de les approcher. Soit vous allez les approcher par leur taille, soit vous les approchez par leur composition chimique. On va mesurer des particules inférieures à 10 microns, qui sont de l'ordre de la taille d'un dixième de cheveu. On va mesurer des particules inférieures à 2,5 microns. Donc toutes ces particules-là sont des particules qui sont surveillées, qui sont réglementées, pour lesquelles il y a des seuils à ne pas dépasser. Et de plus en plus, on s'intéresse aux particules ultra fines. Donc là, les particules ultra fines, c'est des particules qui sont inférieures à 100 nanomètres. C'est entre la taille d'un virus et la taille de l'ADN. Le second élément, et c'est là où ça se complique, c'est que les particules, elles sont émises dans l'air, mais elles se forment aussi dans l'air à partir de gaz, par exemple, ou de précurseurs. Et donc, en fait, on a aussi besoin de chercher dans l'air des particules qu'on appelle secondaires, donc qui ne sont pas émises directement, mais qui se forment dans l'air. Et là, on va notamment s'intéresser à tout ce qui est nitrate d'ammonium, sulfate d'ammonium, qui sont des traceurs de l'agriculture et du trafic routier, ou des traceurs des combustions de centrales thermiques et de l'agriculture. Donc il faut vraiment identifier précisément la composition chimique des particules pour être capable de remonter à la source et à l'origine de ces particules. Et des particules fines qui posent de plus en plus de questions sur les impacts sanitaires. Hier par exemple, dans la revue Nature Communication, une étude révèle la présence de particules de carbone dans le placenta de femmes enceintes. On ne mesure pas encore les conséquences sur le fœtus, mais cela pourrait expliquer les effets nocifs de la pollution pendant la grossesse. Et on passe au bref du jour. Pour la première fois, les astronomes de l'observatoire de Green Bank aux États-Unis ont détecté la plus massive des étoiles à neutrons. Ce pulsar est 2,17 fois plus massif que le Soleil, mais il est contenu dans une sphère large de seulement 30 km de diamètre. Il suffirait de quelques tonnes de plus pour qu'il dépasse la limite théorique au-delà de laquelle il s'effondrerait sur lui-même pour former un trou noir supermassif. Ce fameux point de bascule, où l'étoile devient un trou noir, est un sujet toujours débattu. On cherche encore à trouver la masse maximale autorisée par la physique. Les détails de cette découverte sont à découvrir dans la revue Nature Astronomy. Et on vous met le lien, bien sûr, sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. L'armée américaine vient de battre un record de vitesse avec un véhicule qui roule à plus de 10 000 km/h. La base militaire d'Oloman a dévoilé une vidéo que l'on comprend à peine, hein, même lorsqu'on la regarde au ralenti. L'engin se déplace à 100 620 km/h, soit une vitesse de Mach 8,6. Mach 1, hein, c'est le mur du son. On ne sait pas grand-chose de cette vidéo, excepté que l'Air Force Test Center expérimente un traîneau supersonique sur rail pour tester la résistance de certains matériaux à une telle vitesse. Et la revue Ecology and Evolution présente une nouvelle espèce de salamandre géante, Andreas sligoi. Cette salamandre géante de Chine méridionale est le plus gros amphibien du monde. Elle mesure en moyenne 1 mètre de long et la plus grande fait la taille d'un homme, 1 m80. On la connaissait déjà, mais on pensait qu'il n'existait qu'une seule espèce de ce type. Après avoir analysé l'ADN de différents spécimens dans les muséums et dans la nature, les chercheurs chinois ont conclu qu'il existe 3 espèces distinctes. Elles se seraient différenciées il y a environ 3 millions d'années, quand des montagnes se sont formées sur le plateau tibétain, ce qui a isolé certaines populations et les a amenées à évoluer différemment. À l'état naturel, cette salamandre géante est en danger critique d'extinction. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Je rappelle que vous pouvez trouver des liens vers toutes les études, tous les articles qui sont mentionnés dans ce journal, ainsi que d'autres liens qui vont venir compléter l'écoute de l'émission du jour sur notre fil Twitter, que vous pouvez retrouver sur Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc, mais également sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et voilà donc à 16h07, notre sujet du jour concerne la vision. Si l'implant cochléaire, je le disais tout à l'heure, a connu ses premiers résultats et ses premiers succès dès la fin des années 70, la recherche s'attelait depuis de nombreuses années à transposer non pas le même type de dispositif, mais tout du moins la possibilité de restituer la vision via des implants et une technologie innovante, soit en stimulant le nerf optique, soit en remplaçant les cellules visuelles endommagées. C'est à la fin des années 2000 que les premiers implants rétiniens font leur apparition. Le premier patient est implanté en 2008 et ces nouveaux implants lèvent d'immenses espoirs pour certaines pathologies dégénératives comme la DMLA ou la rétinopathie pigmentaire, comme en atteste ce reportage. À 80 ans, Reflin va pouvoir recommencer à jardiner. Grâce à cet implant, l'Argus 2 posé à même la rétine par l'équipe médicale de l'hôpital de Manchester. Après une opération de 4 heures, le retraité souffrant de perte de vision centrale a enfin pu distinguer les contours des gens et des objets. C'était merveilleux. Mes yeux pouvaient voir. C'était vraiment bien. L'implant oculaire permet à l'œil d'être stimulé par des impulsions électriques. Par la suite, le patient doit s'équiper de cette paire de lunettes, dotée d'une caméra miniature et d'un système de transmission avec la rétine appareillée. Une prouesse dont pourraient bénéficier d'autres patients souffrant de DMLA. Cette opération donne espoir aux patients, pas seulement dans son cas, mais aux autres aussi qui souffrent de perte de vision centrale à cause de maladies dégénératives. C'est seulement le début. Le début d'une nouvelle ère. Vendu 115 000 euros en Europe, l'œil bionique avait déjà été utilisé sur des personnes aveugles. Il pourrait désormais profiter aux 30 millions de personnes souffrant de dégénérescence de la rétine. Voilà, un reportage diffusé sur Feu iTélé le 23 juillet 2015. Une réaction simplement à ce qu'on entend. On entend, je disais dans l'introduction à cette émission, les espoirs que suscitaient ces implants. On parle de nouvelle ère, du début d'une nouvelle ère. Serge Picot. Oui, ben je pense que c'est effectivement une nouvelle ère. Il faut rappeler que quand même que pour les implants cochléaires, au départ, en fait, les patients arrivaient à entendre un mot, puis une phrase, et puis maintenant ils arrivent à suivre une conversation téléphonique. Après, ils n'arrivent pas encore à écouter de la musique. Donc il y a une véritable progression. Ça a mis plus de 20 ans pour que on en arrive à suivre une conversation téléphonique. Donc je pense que c'est une nouvelle ère parce que c'est une première étape. Et ça démontre déjà la possibilité de redonner la vue à des patients qui étaient aveugles. Maintenant, il y a encore du travail, mais il y a des nouvelles générations justement qui arrivent, qui ont une bien meilleure résolution, qui donnent une bien meilleure acuité visuelle. Donc, Je pense que nous sommes en mouvement et que bientôt, oui, on sera dans une nouvelle ère pour les patients aveugles. Marie-Noëlle Delifert. Alors, il faut vraiment faire attention à l'espoir suscité par le fait de recouvrer une perception visuelle chez les patients. C'est vrai qu'ils sont en général en demande, que c'est quelque chose qui a vraiment fragilisé toute leur vie et toute leur relation avec les autres. Et c'est vrai que quand on parle d'espoir, forcément pour eux, c'est recouvrir la vision qu'ils avaient auparavant. Et c'est vrai que pour l'instant, on en est relativement loin, même si on arrive à recouvrer une sensation visuelle sous la forme d'éclairs lumineux qui sont après, grâce à une rééducation interprétée, et grâce à cela, ceux qui font à la fois l'expérience de l'implantation et de la rééducation, pour certains, arrivent à recouvrir des activités qu'ils faisaient auparavant, comme du cheval, comme du ski. Quoi. Donc c'est quelque chose qu'on a vu, mais qui sont des fois très impressionnantes. Il y a certains patients chez qui les progrès seront plus limités ou ils auront simplement une vision des ombres et des portes et des obstacles sur leur passage. Et d'autres qui vont probablement être plus impliqués dans la rééducation et plus motivés parce qu'ils en ont vraiment une utilité ou une envie derrière à concrétiser, vont pouvoir faire des choses très intéressantes, comme certains vont pouvoir déchiffrer des lettres sur un écran, d'autres des mots. Serge parlait auparavant de l'implant cochléaire et des différentes étapes. On a franchi les premières étapes et c'est vrai qu'on n'est pas encore au bout du chemin. Oui, et on reparlera tout à l'heure de cette... Vous parlez de rééducation, c'est tout un réapprentissage à faire, un réapprentissage psychocognitif très long qui dure plusieurs mois, voire qui s'étale sur des années. Serge Picot ? Je voulais juste compléter, moi j'ai été surpris moi-même, puisque j'étais aussi assez prudent quand je faisais des présentations, en particulier en public. Et j'ai été abordé par un patient qui était équipé avec un dispositif et il m'a dit « mais moi, cela m'a permis de skier à nouveau puisque j'arrivais à nouveau à détecter en fait la personne qui m'emmène skier sans qu'il y ait de lien filaire entre nous. Et c'était à nouveau la liberté et pour moi c'était un rêve de pouvoir à nouveau skier. » Donc en fait, c'est vrai qu'il faut voir quelle est l'attente du patient et déjà cette vision retrouvée peut être extrêmement importante pour lui. Après, tout dépend effectivement des attentes des patients. L'attente du patient va être extrêmement importante parce que s'il pense qu'il va retrouver une vision normale, bien malheureusement, il sera déçu. Évidemment, on va bien sûr détailler tout ce que ces implants permettent et ne permettent pas encore et comment justement on peut améliorer cette technologie. Si je mentionnais une certaine forme de déception par rapport aux espoirs levés au départ et sur les premiers implants, c'est aussi parce que concrètement, sur un certain nombre d'entreprises ou de dispositifs qui ont été lancés, un certain nombre sont en cessation d'activité. Argus 2 qu'on entendait dans le reportage, Alpha IMS, Iris 2 sont des entreprises qui ont fini par mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que tout de même, il y a un problème... Pas tout à fait ça. Oui, Marie-Noëlle Delifert, je vous laisse me corriger. Déjà, bon, Iris 2, c'est Pixium, donc je pense Pixium a autre chose sous la pédale. Et Argus 2, c'est Second Sight. Et Second Sight a implanté plus de 350, je crois qu'on a 353 implants dans le monde, avec un recul maintenant de plus de 12 ans, des très bons résultats dans les objectifs initiaux qui étaient les leurs, et qui maintenant veulent s'adresser à toutes les causes de cécité et font le choix de répartir leurs investissements financiers non plus sur cet implant qui fonctionne, hein, qui faut pas faire peur aux patients qui sont implantés en France, il y en a 40, 36 dans l'état dans l'étude qui a été faite après la validation et 4 dans l'étude initiale de faisabilité. Ces 40 patients, il faut pas leur faire peur. Hein. Loin de nous le désir de faire peur à qui que ce soit, au contraire. Certains ne changeraient absolument pas leur choix. Donc c'est juste que la politique financière de la firme est de dire qu'ils vont privilégier une autre voie de stimulation, qui est la stimulation corticale. Alors là, c'est un défi extrêmement ambitieux, mais qui permettrait de s'adresser à toutes les causes de cécité, c'est-à-dire pas uniquement la rétinopathie pigmentaire. Je ne sais pas si on va en parler, mais on va en parler bien sûr. Rare. Hein, on parle de 2 à 3000 personnes en France, quelques centaines de milliers dans le monde. Alors la DMLA, c'est sûr que c'est beaucoup plus élargi comme spectre, mais là ça s'étendrait aussi au glaucome, au diabète, à la myopie forte et aux causes traumatiques. Donc si jamais ils arrivaient à faire leur pari, et ils en sont au premier stade de leur pari puisqu'ils ont fait 5 implants aux États-Unis actuellement. S'ils arrivent à mais sur une autre technologie, hein, plus sur de l'implant rétinien. Autre voilà. Chose. Donc c'est un autre pari. Voilà. Donc, ils n'ont pas mis la clé sous la porte. D'autres firmes ont effectivement mis la clé sous la porte parce que les coûts de développement sont majeurs. Je reprécise bien qu'évidemment, il n'y ait pas d'ambiguïté. Personne ne dit que ces implants-là ne fonctionnent pas, mais qu'il y a effectivement eu beaucoup d'investissements avec un retour sur investissement pas tout à fait au niveau de ce qui pouvait être attendu, avec des coûts encore très élevés, ce qui a conduit certains des laboratoires et des constructeurs de ces dispositifs effectivement à arrêter de les produire, oui. Serge Picot. Alors après, il faut aussi savoir que maintenant, Pixum Vision arrive avec un implant où l'acuité visuelle est quand même nettement meilleure que tous les dispositifs qui étaient jusqu'à présent disponibles. Donc, puisqu'il y a 7 fois plus de pixels que sur les implants Argus 2, et en plus, la résolution individuelle de ces pixels est bien meilleure. Donc, en fait, les patients obtiennent une acuité visuelle qui est presque au seuil que l'on considère comme le seuil de cécité légale au niveau de l'OMS. Et c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on considère qu'à 24 centièmes, donc 1 vingtième, on peut considérer qu'en dessous de 1 vingtième, on est considéré comme aveugle. Et là, on redonne une vision qui approche ce 1 vingtième, et il est encore possible peut-être de diminuer un tout petit peu les unités pour aller passer au-delà de ce seuil. Ce qui voudrait dire qu'un patient aurait une vision qui serait considérée meilleure que le seuil de cécité légale. Donc on voit quand même qu'il y a des progrès qui sont en cours, et qui donne quand même de très grands espoirs pour les patients. Alors après, c'est en cours de validation, les essais cliniques sont en cours, les premiers patients ont été implantés, donc des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge, les tests justement de réhabilitation sont en cours, ils montrent quand même des résultats qui sont quand même très impressionnants, donc je crois qu'il faut attendre avant de parler de déception, parce que je pense que les patients, eux, sont contents. Il faut aussi, enfin, je pense. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h17, excusez-moi Marie-Noëlle Delifère, vous venez de vous prendre une virgule dans le nez, comme on dit trivialement dans notre dans notre jargon. Vous vouliez préciser quelque chose. Je rappelle que vous êtes. Oui, allez-y. Je voulais juste préciser une chose par rapport à ce que disait donc Serge Picot, c'est que effectivement la résolution électronique et technique s'améliore, mais le problème ça va être aussi la cible, c'est-à-dire qu'on implante des rétines qui sont de plus en enfin actuellement des rétines qui sont très abîmées, donc il faut savoir qu'on se substitue à la transformation énergie lumineuse en énergie électrique, donc au niveau des photorécepteurs, on ne fait que ça, tout le reste de la voie visuelle normale est utilisé avec le nerf optique et avec le cerveau. Alors, on va revenir dans quelques instants sur cette notion de définition, de précision, de finesse justement de la stimulation et des pixels. Mais avant cela, j'aimerais qu'on repose un peu, si vous le voulez bien l'un et l'autre, un peu les bases pour comprendre comment fonctionnent ces implants rétiniens, pour peut-être refaire un petit cours rapide de biologie optique. Peut-être vous pouvez nous dire, Marie-Noëlle Delifère, pour commencer, comment en fait ça marche un œil, qu'est-ce que c'est que la rétine, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que la rétine nous transmet des images et comment d'autres notre cerveau les interprète, puisque c'est bien sûr là-dessus que vont jouer les implants. Alors, l'image se crée au niveau de la rétine. Toutes les structures en avant de l'œil, que ce soit la cornée, que ce soit le cristallin, qui deviendra un jour la cataracte, et toutes les structures aqueuses, l'humeur aqueuse et le vitré, ne sont que des systèmes optiques, qui arrivent à mettre au point, à faire converger les rayons lumineux jusqu'à la partie neurosensorielle de l'œil, qui est donc la rétine et qui est à l'arrière de l'œil. C'est une tunique qui est donc du système nerveux central, donc composée de neurones, et dont le premier neurone qui va interagir avec la lumière s'appelle le photorécepteur. Alors il existe différents types en fonction de la sensibilité lumineuse et la géographie dans l'œil, mais peu importe. Ces photorécepteurs, ils vont transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique, donc faire ce qu'on appelle la phototransduction. Et cette stimulation électrique va ensuite être transmise à d'autres neurones de la rétine, les cellules bipolaires, puis encore à d'autres neurones qui constituent le nerf optique, lequel va conduire l'information en dehors du globe oculaire lui-même vers les voies optiques et à terme jusqu'au cortex occipital. Et cette architecture à plusieurs neurones permet de trier l'information en fonction de l'origine dans l'espace de la stimulation, de la taille de l'objet, de la couleur de l'objet, et confronter ces différentes informations avec les deux yeux de manière à ce que l'œil et le cerveau puissent reconstruire une image en trois dimensions, coordonner les deux et avoir l'idée de l'objet et de sa situation dans l'espace. Serge Picot. Juste ce qu'il faut rappeler, c'est que ce qui est important donc lorsqu'on parle d'implants, c'est que actuellement, on s'adresse à des patients qui perdent la partie photosensible, c'est-à-dire la partie qui transforme la lumière en une activité électrique. Et donc, dans la rétine, au fond de l'œil, on a ces photorécepteurs, mais on a aussi des neurones qui, normalement, transforment l'information qui leur vient des photorécepteurs pour pouvoir l'envoyer au cerveau. Donc, quand vos photorécepteurs ont dégénéré, c'est-à-dire ont disparu, eh bien, il reste encore ces neurones derrière voilà. Et au fond de l'œil. Et l'idée, c'est donc de mettre des plaques d'électrodes qui vont libérer des courants et donc qui vont, en fait, remplacer ces photorécepteurs en venant activer électriquement les neurones résiduels. Ce qui fait que ces neurones qui restent dans votre rétine, eh bien, ils vont pouvoir à nouveau envoyer un signal au cerveau. Et toute la difficulté, c'est d'envoyer un signal au cerveau qui puisse être interprété. Et puis aussi que le patient réapprenne ce langage visuel. Parce que souvent, il a pendant quand même de longues années oublié tout à fait la notion de langage visuel. Et en plus, ce langage, il est différent parce que, bah, évidemment, c'est pas aussi bien que ce que vous avez naturellement. Et donc, il faut arriver à bien interpréter ces signaux pour que on puisse commencer à construire des images. Mais c'est sûr que plus vous avez de points, et plus l'image est jolie. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez un puzzle. Actuellement, dans les implants Argus 2, il y a 60 électrodes. Ça veut dire que vous faites un puzzle avec 60 pièces. Et les pièces, elles sont soit blanches, soit noires. Donc, vous voyez très bien le type d'image qui n'est pas d'une très grande résolution. Maintenant, les implants Primate Pixium Vision, ils ont 378 électrodes. Donc, on est avec un puzzle à 378 pièces. L'idée, c'est d'augmenter ce nombre et pour arriver à au moins 1000, on sait que, en fait, vers 600 000, les patients devraient... Vers 600 ou 1000, hein, pas 600 000. Non, 600 ou 1000. Ouais. Déjà 600, les patients devraient être capables de relire, devraient être capables de reconnaître des visages, de se déplacer peut-être de manière autonome. Donc, vous voyez quand même tout ce qu'on peut retrouver comme perception et comme autonomie. C'est ça aussi l'intérêt. Bien sûr. Ce qui est important également dans ce que vous venez de dire, Serge Picot, c'est qu'on comprend mieux que ces implants, pour le moment, ils ne concernent qu'un seul type, enfin, qu'une seule forme de dégénérescence, même si ça correspond à différents types de maladies, c'est-à-dire une dégénérescence de ces cellules de la rétine qui vont être remplacées par des électrodes, Marie-Noëlle Delifert, ce qui explique que pour le moment, on ne s'en sert que pour deux types de pathologies, soit la rétinopathie pigmentaire, soit la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors oui, on l'utilise dans la rétinopathie pigmentaire avec vraiment, on est en application, on dit après mise sur le marché, c'est-à-dire que Argus 2 avait obtenu de la part des autorités françaises, après la validation des 36 premiers patients, le remboursement pour la prise en charge. Bon, la firme a décidé de ne pas continuer, mais effectivement, là, on était quasiment dans du soin courant. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une rétinopathie pigmentaire en quelques mots, s'il vous plaît ? Alors, c'est une maladie rare qui fait qu'il y a une anomalie génétique, donc constitutive de l'individu, au niveau de ses cellules photoréceptrices, donc qui transforment l'énergie lumineuse en énergie électrique, et qui vont faire que ces photorécepteurs vont avoir du mal à assumer leur régime d'activité en surénergie, et donc vont petit à petit dégénérer. Alors le plus souvent, c'est surtout la périphérie qui est touchée, et puis petit à petit, le point de fixation, donc la zone avec laquelle on lit, on identifie les visages et on voit les couleurs, finit par être touchée. Alors c'est pas le cas de toutes les anomalies génétiques qui donnent cette maladie, parce que c'est une maladie qui est déjà rare, mais il y a au moins plus de 200 à 250 gènes qui donnent cette même maladie. Des mutations différentes qui donnent cette même maladie. Donc on voit quand même que c'est vraiment une pathologie pour laquelle le traitement de la cause génétique existe dans certaines formes, mais reste compliqué. Donc c'est vrai que dans les formes très avancées, les implants étaient une solution. Ce qu'on comprend bien aussi, c'est que dans une pathologie comme dans l'autre, Serge Picot, ce ne sont pas des cécités initiales, ce sont des patients qui ont vu et qui ont perdu la vue. Oui, effectivement, c'est des patients qui perdent la vue et on essaye de leur redonner une perception visuelle parce qu'il faut se rappeler qu'on apprend à voir avec notre cortex, c'est-à-dire avec notre cerveau. Et si on n'a pas appris à voir vers 5-6 ans, en fait, on a beaucoup de mal à réapprendre à voir après. Donc, on nous pose souvent la question, finalement, est-ce que les patients qui seraient nés aveugles, est-ce qu'ils pourraient revoir avec ces dispositifs ? Et régulièrement, on dit la réponse est non. Il faut quand même savoir que récemment, des patients qui avaient une cataracte congénitale à des âges très très jeunes, c'est-à-dire vers quelques mois après la naissance, donc qui ne voyaient pas du tout depuis pratiquement leur naissance, ont été opérés de leur cataracte qui faisait un filtre complètement noir dans leur œil. Et en fait, ils ont été opérés vers 18 ans, dans des pays comme l'Inde ou le Soudan, donc dans des pays où en fait, ben, malheureusement, ils n'avaient pas eu accès aux soins plutôt à leur naissance. Mmh. Et finalement, ces jeunes ont réussi à réapprendre à voir. Donc en fait, tout le dogme qui dit qu'on ne peut plus apprendre à voir si on n'a pas vu avant 5-6 ans, ben, commence un petit peu à s'écrouler. Et peut-être que finalement, même les patients qui n'ont pas appris à voir avant 5-6 ans pourraient peut-être un jour bénéficier de ces nouvelles technologies. Alors pour bien comprendre comment fonctionne, on parle de dispositif parce que ce n'est pas qu'un implant, vous allez l'entendre. Eh bien, nous nous sommes rendus dans les ateliers de production de Pixium Vision à Paris. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez pu découvrir l'implant photovoltaïque et l'intégralité de ce dispositif de vision bionique qui va avec. Oui, c'est un dispositif qui a été éprouvé sur 5 patients actuellement en France, des patients souffrant de DMLA sèche qui ont recouvré la capacité de lecture. Guillaume Buc, directeur de la technologie chez Pixium Vision, et Lloyd Diamond, son président, m'ont fait une démonstration de la plateforme Prima, l'ensemble avec les lunettes munies de caméras et projecteurs, l'ordinateur de poche et l'implant. La prochaine étape sera maintenant pour eux de lancer une étude clinique à échelle internationale avant sa mise sur le marché. Le système en question, c'est vraiment une plateforme, parce qu'au fait, on dit c'est une plateforme, pourquoi ? Parce qu'il s'agit non seulement d'un implant rétinien, sous-rétinien, mais aussi tout ce qui est externe. Les lunettes, des caméras et puis un logiciel qui gère des données, qui donne la vision, entre guillemets, du patient, en fait. Alors, vous avez apporté avec vous la mallette qui contient le dispositif. Dans l'ordre, la caméra est fixée sur la lunette. Elle est dans l'axe où regarde le patient. Elle prend les images en face du patient. Ces images sont acheminées via un câble à l'ordinateur de poche qui les traite en temps réel. Il y a des commandes disponibles sur ce bouton pour augmenter la luminosité de la scène. C'est-à-dire, pour être pratique, par exemple, si on a un billet de 10 euros dans la poche et on ne sait pas tout à fait, parce qu'on n'arrive pas à voir, et puis là, on peut justement simplifier l'image qu'on ne voit que les chiffres, par exemple. Non, il va discriminer des caractères par rapport au reste. Tout à fait. Absolument. Donc, c'est suivant la tâche à réaliser. Si c'est de la lecture, on va vouloir isoler ce qui ressemble à des caractères à une taille donnée, à une distance donnée. Si c'est des visages ou de l'interaction sociale, bah, ça va être plus des contours ou renforcer les traits du visage dans l'image projetée. Donc, s'adapter à différentes scènes. Et comment se fait la conversion du signal et la transmission vers l'implant et après la reformation d'une image dans le cerveau ? Alors, ce que les patients voient, bah, on en sait par ce qu'ils nous disent, ce qui veut dire que c'est un processus qui est forcément assez long de faire une rééducation ciblée par rapport à ce que le patient lui-même va voir. Les phosphènes vont être... La perception des flashs lumineux va être variable d'un patient à l'autre. Mais le fait de faire de la stimulation sous-rétinienne par rapport à l'épirétinien qui a été utilisé précédemment nous enlève certains artefacts de stimulation, donc de stimulation artificielle, qui pouvait être lié à la stimulation des axones directement du nerf optique. Vous pouvez avoir des arcs de lumière au lieu d'avoir un point. Là, le fait de stimuler en sous-rétinien avec la caractéristique électrique de l'implant Prima, qui est une stimulation très localisée, ça évite ce genre de phénomène. Là, on va rentrer dans le labo avec différentes zones. Donc, il y a une partie où on teste les implants pour vérifier qu'ils ont le bon niveau de fonctionnalité, le bon niveau de réponse. Et puis il y a tout le réglage aussi du laser dans les lunettes qui est fait dans cette salle laser qui est à côté de vous. C'est vraiment un atelier de manufacture où il y a Il y a plusieurs ateliers qui succèdent. Donc on va prendre les implants sur les plaques de microélectronique sur lesquelles ils sont développés, un par un, les nettoyer, les inspecter et ensuite ils seront envoyés pour... nettoyage complet et insertion dans le dispositif qui va permettre de les insérer dans l'œil, plus stérilisation, etc., bien évidemment, puisqu'on parle d'objets chirurgicaux. En fait, ce que je voulais montrer, c'est sous microscope l'implant, parce que c'est intéressant. On a du mal à se rendre compte. tellement c'est petit. Et alors là, quand on voit sous microscope, on le voit bien les détails. Guillaume, il peut mieux expliquer peut-être le fonctionnement en fait. On donc, rappelle que l'implant, c'est 2 mm par 2 mm. Et donc, des pixels individuels de l'ordre de la centaine de microns, donc un dixième de millimètre. Donc, on a une résolution spatiale qui s'approche de cette distance entre deux électrodes qui est à peu près de 200 microns. Qu'est-ce qu'on va faire ici avec ces microscopes sur les implants? Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer leur structure physique, vérifier qu'il n'y a pas d'impureté ou de saleté dessus qui pourrait être rédhibitoire pour l'utilisation. Donc on va inspecter régulièrement les implants pour voir s'ils ont changé d'apparence, s'ils ont un potentiel de ne pas être fonctionnels. Et puis on va les tester électriquement aussi pour vérifier la fonction. Et donc voilà, là on allume le microscope et on va bien pouvoir vérifier, au fait, regarder l'implant de près. C'est combien la magnification de... On sera à 1000. 1000, d'accord. 1000 quoi? 1000... On va zoomer à 1000. Ah, fois 1000. Oui. Donc voilà, donc, pour justement pouvoir apprécier les détails. Voilà. Et donc on peut faire le réglage avec cette télécommande là. Oui, c'est ça. On peut zoomer, c'est assez complexe hein, ce microscope. Ah, puis il faut. Hein. Nous, on travaille quand même dans les détails. Les réglages ne sont pas manuels ici, ils se font automatiquement. Non, il ne faut pas les programmer, mais il faut juste, en gros, définir la définition par rapport à ce dont on veut faire. Donc, il n'y a pas de... Et sur l'écran, donc là, on va pouvoir voir l'implant. C'est trop possible. Là, vous faites la mise au point. Oui, je dézoome juste pour faire... pour que ce soit plus clair, pour que vous puissiez visualiser... Ah oui, donc là, on voit bien sur l'écran apparaître cette matrice... Tout à fait. Avec toutes les électrodes. Voilà. Donc la 378. Oui, ça, oui. Tout à fait. Et vous voyez cette structure en nid d'abeille, là. Donc avec le rond au centre, c'est l'électrode de stimulation. Et le petit hexagone autour, c'est toute la grille d'électrodes de retour. Et le courant va entre l'électrode centrale et la grille de masse. Donc au fait, finalement, on est venu quand même très loin quand on pense au début, la vision qui était de professeur Sahel et Bernard Gilly, donc c'est les cofondateurs de la société. On réalise leur vision de soigner, si je peux dire, de restaurer la vision des patients DMLA sèche et autres, en fait. Voilà, ces dispositifs développés par Pixium Vision à Paris. Peut-être une réaction simplement sur l'avancée, sur ce type de dispositif particulier, Marie-Noël Delifer. Non, on peut être qu'admiratif de ces scientifiques de fond qui nous permettent d'avoir des outils technologiques à tester, nous, après, en biologie et en médecine. C'est certain que l'aspect trans-spécialité est très intéressant dans cette recherche. Après, moi, j'aurais juste une remarque qui était un peu celle que je faisais tout à l'heure, à savoir, on peut augmenter le nombre d'électrodes à l'infini, enfin, peut-être pas à l'infini, mais encore augmenter l'électrode. Il faut après observer le tissu que l'on implante. C'est-à-dire qu'actuellement, les rétinopathies pigmentaires ou les atrophies géographiques de DMLA qui sont choisies pour être implantées sont des rétines qui sont très abîmées. On peut augmenter les électrodes pour améliorer la perception, mais probablement qu'il faudra aussi passer le pas une fois que on sera sûr de l'aspect de sécurité de ces nouveaux dispositifs, parce que pour Argus c'était déjà le cas, d'implanter les patients plus tôt pour aussi avoir une meilleure réponse à la stimulation. Serge Picot, peut-être un mot aussi sur les dispositifs en tant que tels, sur le fait qu'on ne l'a peut-être pas tout à fait suffisamment évoqué, mais qu'effectivement, il y a l'implant en lui-même, il y a les lunettes, il y a un mini-ordinateur. Tous les dispositifs aujourd'hui dont on dispose sont des dispositifs aussi complets, avec autant d'éléments. Oui, jusqu'à présent, justement, les dispositifs étaient assez complexes. Surtout parce qu'en fait, il fallait un fil qui sortait de l'œil pour amener de l'énergie jusqu'aux électrodes. Et justement, l'aspect révolutionnaire de ces nouveaux implants, c'est que finalement, maintenant, il y a une petite plaque d'électrodes sous la rétine, mais il n'y a plus aucun fil qui sort de l'œil. Et c'est un peu le côté révolutionnaire, et justement, de cette nouvelle génération d'implants, où en fait, vous avez juste un petit palais d'électrodes, et il est complètement indépendant. Et en fait, l'énergie, au lieu qu'elle soit apportée avec un fil, c'est la lumière qui l'amène. Et c'est pour ça que le patient porte une paire de lunettes avec la caméra qui fait les images. Et en fait, dans cette paire de lunettes, il y a comme un petit vidéoprojecteur qui projette des images au fond de l'œil, mais c'est pas des images en couleur, c'est des images en infrarouge. Et on voit pas l'infrarouge, et l'énergie qui est envoyée est très faible, mais elle est suffisante pour activer ces électrodes, et avec une précision telle qu'on garde en fait la bonne résolution de l'implant. Donc c'est ça un peu le côté révolutionnaire, c'est cet aspect sans fil de cet implant qui peut être activé à distance avec cette forme de vidéoprojecteur qui envoie des images en infrarouge au fond de l'œil. De Jimi Hendrix à 16h37 sur France Culture, puisque nous parlons de vision et plus particulièrement de supplétif à la vision quand celle-ci est défaillante. Nous parlons d'implant rétinien tout au long de cette heure avec Marie-Noëlle Delifert qui est avec nous en duplex depuis France Bleu Gironde, qui est professeur en ophtalmologie au CHU de Bordeaux, et avec Serge Picot qui est directeur de recherche INSERM à l'Institut de la Vision. Mais comme tous les mercredis, et bien à mi-parcours, c'est l'heure de la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Léo Puyot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse à l'Institut Langevin. Vous travaillez sur l'application clinique de l'holographie laser Doppler en ophtalmologie. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute. Merci. Merci de m'accueillir. Donc, je suis doctorant à l'Institut Langevin à Paris et mon travail de thèse, c'est de concevoir un nouvel instrument d'ophtalmologie pour imager le flux sanguin dans la rétine. Donc, l'instrument est assez abouti et il est déjà installé dans une clinique au 15-20. Pour pouvoir collaborer avec des médecins dans le cadre d'une étude clinique. Donc, pourquoi on veut imager le flux sanguin ? Parce que pour être en bonne santé, un tissu doit être correctement perfusé, c'est-à-dire qu'il doit recevoir par l'intermédiaire des vaisseaux sanguins suffisamment d'oxygène et de nutriments. Et donc, il faut que le débit dans les vaisseaux sanguins soit suffisamment élevé. Donc, tout dérèglement peut provoquer des problèmes, en particulier dans la rétine, parce que c'est un tissu qui contient des neurones qui sont très fragiles. Donc, les problèmes de perfusion, de vascularisation, ils sont liés de près ou de loin à beaucoup de pathologies de la rétine. Donc, on pense surtout à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, rétinopathie diabétique et surtout le glaucome. Donc, nos motivations plus précisément, c'est que on veut imager le flux sanguin pour mieux étudier le rôle de la vascularisation dans la formation des pathologies. Est-ce que c'est plutôt une cause ou une conséquence ? On veut aussi avoir un instrument qui soit capable de diagnostiquer de manière précoce les maladies qui sont liées à un affaiblissement du flux sanguin, avant qu'il y ait une perte de la vision irréversible qui apparaisse. Et enfin, on veut aussi savoir estimer l'efficacité des traitements prodigués par les médecins en contrôlant que le flux sanguin revient bien à des valeurs normales. Donc, par chance, la rétine elle est assez facile à imager parce qu'elle se trouve derrière la cornée et le cristallin. Donc c'est juste une fenêtre optique complètement transparente. Il suffit d'éclairer la rétine avec un faisceau infrarouge pour pouvoir l'observer. On ne peut pas l'éclairer trop fort parce que c'est un tissu très fragile qui est fait pour absorber la lumière justement. Donc il peut y avoir des dégâts au niveau des photorécepteurs si c'est trop fort. Donc on ne fait pas des images traditionnelles des photos classiques, dans le sens où si on regarde les vaisseaux sanguins simplement, ce serait comme regarder un tuyau depuis l'extérieur, ça ne donne pas d'informations sur l'eau qui circule à l'intérieur du tuyau, même si le tuyau est transparent. Donc pour ça, il faut un appareil un peu plus sophistiqué. Donc la méthode traditionnelle, c'est d'injecter un colorant dans le système vasculaire, un agent de contraste fluorescent. Si vous voulez, on met de la guimauve dans le sang et ça révèle tous les endroits, toutes les structures qui sont vascularisées. et comme ça on peut les révéler facilement. Le problème c'est que c'est une méthode invasive et en plus de coûter cher, c'est très désagréable pour les patients. Donc l'appareil qu'on a développé à l'Institut Langevin, il repose sur une technologie absolument non invasive. On peut la rapprocher à celle des radars pour contrôler les vitesses des voitures qui utilisent l'effet Doppler. Donc quand vous avez une voiture qui roule à une certaine vitesse, on envoie une onde dessus, l'onde rétrodiffusée voit sa fréquence changer par l'effet Doppler. Plus la vitesse de la voiture est grande, plus le décalage en fréquence est grand. Et donc en mesurant ce décalage de fréquence, on arrive à avoir des informations sur la vitesse de la voiture. On fait la même chose dans la rétine parce qu'on l'éclaire avec un faisceau laser qui a une certaine fréquence optique. Et les globules rouges qui passent à l'intérieur des vaisseaux sanguins jouent le rôle de voiture alors que le reste de la rétine est à peu près immobile. Et donc en analysant le décalage en fréquence de l'onde rétrodiffusée, on arrive à isoler la lumière qui a été diffusée à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et en mesurant le décalage en fréquence, on a des informations sur la vitesse. Donc ça nous permet d'avoir un instrument qui non-invasivement fait des images angiographiques, donc qui révèle les structures vasculaires de la rétine. Il est d'ores et déjà capable de se proposer en alternative aux méthodes invasives classiques. Et en plus de ça, il permet d'avoir des chiffres quantitatifs sur la vitesse à l'intérieur des vaisseaux sanguins, ce qui est une information assez utile pour les médecins. Merci beaucoup Léo Puyot. Je vois que Serge Picot vous écoute avec beaucoup d'attention. Et puis sur l'effet Doppler, on a cette image qui explique bien ce qu'est l'effet Doppler pour les gens. C'est la raison pour laquelle quand vous voyez passer une ambulance, vous n'entendez pas tout à fait le même son au début, au moment où l'ambulance est face à vous, au moment où elle est après. Noémie Naguet qui tweet la méthode scientifique tous les jours fait très très bien l'effet Doppler assez régulièrement dans le bureau. Un mot Serge Picot sur ces travaux-là qui sortent un peu de l'implant rétinien mais qui sont tout de même très intéressants. C'est des travaux qui sont faits en partenariat avec l'Institut de la Vision et le Centre d'Investigation Clinique dirigé par le professeur Sahel. Et j'ai moi-même eu la chance, en fait, d'avoir mon imagerie de la rétine pour mesurer mon flux sanguin au niveau de l'œil. Et c'est vraiment absolument révolutionnaire. La directrice de la FDA, donc la Federal Drug Administration, était en visite cette semaine et elle a été époustouflée devant cette technologie mise au point par notre ami. Et donc, franchement, c'est une technologie qui devrait vraiment changer. Parce que quand il nous l'explique, ça paraît vraiment extrêmement simple. Mais personne n'avait réussi à faire ça tellement c'est complexe. Parce que il y a effectivement la vitesse des voitures, mais il y a beaucoup de globules rouges. Et puis, il y a aussi, en fait, des vitesses très différentes suivant le calibre des vaisseaux sanguins. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même regarder la vitesse dans des tout petits vaisseaux sanguins. Et on peut même regarder derrière la rétine, dans le tissu qui nourrit les photorécepteurs. Parce qu'il faut savoir que les photorécepteurs sont les cellules du corps humain qui consomment le plus d'oxygène, donc qui sont vraiment très dépendants de ce flux sanguin. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment exceptionnel d'arriver à mesurer ce flux, parce que peut-être on va pouvoir comprendre pourquoi il y a des pathologies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, pourquoi ce dysfonctionnement des photorécepteurs intervient. Et c'est pour ça que cette explication qui paraît très limpide et très simple, en fait, elle cache quelque chose d'extrêmement difficile et complexe. Voilà, vous n'êtes pas venu pour rien, Léo Puyot. Merci. Enfin, en tout cas, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va revenir à notre sujet du jour, à ces photorécepteurs et justement bien à ces implants rétiniens qui permettent de restituer une partie de la vision pour certaines pathologies. On l'a dit, hein, la DMLA sèche ou la rétinopathie pigmentaire. Peut-être un mot, Marie-Noëlle Delifert, parce qu'on en a parlé, on l'a évoqué dans la première partie de cette émission. C'est important peut-être de le repréciser aussi. Un mot sur l'apprentissage du cerveau pour utiliser ces dispositifs une fois qu'ils ont été implantés. C'est un apprentissage long, surtout quand la vision a été très très dégradée. Ça n'est pas juste de la rééducation. Alors ce sont des systèmes de réadaptation qui ont été élaborés spécifiquement pour ces implants et pour ces patients-là. Le but, c'est effectivement, c'est les patients sont implantés et en général, entre 15 jours et un mois après la chirurgie, on va donc allumer ces électrodes une par une. Et les tester pour vérifier que le système n'a pas souffert pendant l'intervention. Et puis après, on va régler, on va moduler donc électrode par électrode le seuil qui est l'optimum pour le patient pour pas qu'il soit trop ébloui, parce que chaque électrode induit une petite stimulation lumineuse. Et puis, une fois que tout a été réglé, donc électrode par électrode, on va présenter des espèces de stimulus qui vont où le patient va devoir détecter la, mettons un carré blanc sur un fond noir ou un mouvement Et petit à petit, on va lui apprendre à identifier, à se positionner, parce que la rétine, c'est extrêmement vaste et l'implant est petit, quel que soit le type d'implant. Et donc, le champ de vision autorisé par cette vision électronique reste limité. Et donc, le patient non seulement va devoir interpréter ces images constituées de petits points lumineux, mais également apprendre à bouger les yeux et le visage de manière à orienter l'implant en face de la cible à identifier. Mmh. Alors ça se fait. Alors il y a 10 séances, en tout cas pour Argus, pour Pixium, je ne connais pas les détails du protocole, donc je ne parle que de ce que je sais. Pour Argus, il y avait une dizaine de séances qui étaient très protocolisées. Et après, eh bien, il faut s'adapter à la demande du patient. Concernant Argus, nous, on avait implanté des patients de 29 à 73 ans dans la première phase, puis on est allé jusqu'à plus de 80 ans dans la seconde phase. Ils n'ont pas les mêmes attentes à 29 ans et à 80 et quelques années. Donc, il faut avoir bien parlé avec les patients, bien avoir évalué leurs attentes pour pas qu'ils soient déçus. C'est très important, et pour garder leur adhésion à cette rééducation. Donc, passer ces étapes initiales de mise en route du système et de validation du type de perception lumineuse, eh bien, si le patient veut s'adapter à, mettons, marcher autour de chez lui, eh bien, les séances de rééducation vont avoir lieu chez lui pour essayer de le motiver en faisant la tâche qu'il cherche à accomplir. Donc, ce sont des, je dirais, il y a 10 séances standardisées en centre et 10 à 20 séances au domicile du patient. Et entre les séances, le patient doit faire des exercices pour s'entraîner et garder les acquis chèrement acquis, parce que c'est vrai que on leur dit que c'est long, parce qu'ils pensent que eux, tout d'un coup, on va allumer le système, ça va fonctionner. C'est pas le cas. Et donc, il faut entretenir leur motivation, et c'est ça qui est assez difficile au départ. Serge Picot, effectivement, sur cette question de la phase qu'on appelle, ce que vient de décrire Marie-Noëlle Delifert, c'est-à-dire la phase d'allumage, toute la phase ensuite psychocognitive, puis enfin la rééducation, ça s'étale sur plusieurs mois, on commence à compter en années. Quand on parle de DMLA et de patients âgés, effectivement, il faut la motivation, il faut la mobilité. Oui, et je pense que Marie-Noëlle a bien décrit tout cet aspect aussi conscient et volontaire. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il a été montré aussi par des études d'IRM, donc où on mesure l'activité dans le cerveau, qu'à ces patients, en fait, ils n'avaient plus du tout de perception visuelle. C'est-à-dire que lorsqu'on leur faisait un flash lumineux, en fait, et qu'on regardait dans leur cerveau, au niveau des zones visuelles, il n'y avait pratiquement pas de zone qui s'allumait, qui commençait à montrer une activité. Et puis, lorsque ces patients ont été implantés, ceux qui ont appris à revoir avec l'implant, eh bien après, au bout d'un an, et qu'ils avaient réappris à voir, si on fait la même stimulation visuelle avec un flash, mais bien sûr, on éteint le système, le dispositif est éteint, mais rien que la présentation d'un flash, eh bien on se rend compte que ceux qui ont réappris à voir, eh bien sont beaucoup plus sensibles à ce flash lumineux. Comme si finalement, l'individu était redevenu sensible à toute information visuelle. Même un simple flash lumineux était à nouveau une information, parce que le cerveau se rend compte qu'il reçoit à nouveau des informations visuelles intéressantes, donc il a tendance à renforcer toute information qui lui viendrait. Et donc là, même un simple flash lumineux provoque une réponse beaucoup plus importante. Et un des patients qui, justement, après l'opération, avait décidé de ne pas utiliser le système, eh bien, lorsque ce test est fait chez lui, eh bien, il n'y a aucune différence entre avant et après, lorsqu'on lui fait cette stimulation et qu'on regarde son activité au niveau du cerveau. Ce qui montre bien que le cerveau est encore plastique et qu'il va évoluer pour utiliser ces informations qui viennent de l'implant et qui vont à nouveau redonner une information visuelle. Donc ça, c'est aussi l'entraînement qui va donc permettre aux patients de revoir. Justement, il y a des pistes aujourd'hui, Marie-Noëlle Delifert, pour réduire cette phase d'adaptation, pour la rendre plus rapide, pour la rendre moins coûteuse en temps et en motivation aussi, parce que ce n'est pas que le temps. On a bien compris qu'il y avait aussi une implication cognitive du patient dans sa propre rééducation. Les intervalles entre les séances se sont établis en accord avec le patient. On peut les faire de manière assez rapprochée, ou on peut au contraire laisser digérer chaque exercice. Ça dépend un peu des patients. Il y a des patients qui sont allés très vite et d'autres qui ont qui ont eu des événements dans leur vie qui ont fait que ben ils ont dû mettre entre parenthèses cette rééducation. Et effectivement, les apprentissages sont beaucoup plus longs. En fait, c'est vraiment adapté à chaque patient et à la vitesse d'acquisition. Alors, on arrive dans les dernières minutes de cette émission. J'aimerais qu'on réfléchisse un peu ou que vous nous parliez des phases d'amélioration, ou en tout cas des pistes d'amélioration de ces technologies d'implants rétiniens. On a entendu beaucoup Serge Picot parler de l'augmentation du nombre d'électrodes, donc du nombre de pixels. C'est en cours de réalisation. On est en train d'augmenter. On est à 360 aujourd'hui. Vous disiez que 78. Alors, on peut viser 600 ou 1000 dans les mois ou les années qui viennent. Déjà, il faut démontrer que déjà avec ces 378, ça marche et que ça peut vraiment être utile pour beaucoup de patients et que on peut en faire un vrai produit. Après, il y a des pistes pour continuer à améliorer. Et justement, avoir un peu cette progression, comme pour l'audition, de passer à un mot, puis une phrase, puis une conversation. Donc l'idée, c'est d'avoir cette progression. Donc on peut non seulement éventuellement réduire un petit peu les pixels sur les implants, on peut aussi augmenter la surface. Mais la difficulté, c'est que dans la mesure où l'œil, c'est un globe, donc c'est une balle, et donc on ne peut pas avoir une plaque trop grande. Donc l'idée serait éventuellement d'avoir plusieurs petits implants qui seraient un peu, qui viendraient tapisser le fond, parce que c'est comme quand on fait du carrelage dans sa cuisine. Si le mur est un peu arrondi, il faut pas prendre des grands carreaux, il faut prendre des petits carreaux. Là, l'idée, c'est exactement le même concept. Si on veut tapisser le fond d'œil, il va falloir prendre plusieurs petites unités, plusieurs petits implants et venir tapisser le fond de l'œil. Pas de piste pour des implants souples? Pour l'instant, non. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On a parlé des matériaux souples ici autour de cette table. On va vous remettre le lien vers l'émission sur le fil Twitter. Un mot peut-être aussi, on parle aujourd'hui, il faut bien le comprendre, de stimulation et de vision en noir et blanc. Est-ce qu'il est envisageable, pensable à un moment donné de restituer une perception de la couleur, Marie-Noël Delifer? Alors c'est sûr que c'est quelque chose que demandent les patients, c'est-à-dire que quand ils vont essayer d'imaginer la vision qu'ils pourraient avoir avec un implant, quand ils doivent prendre leur décision, c'est effectivement ça. Est-ce que je vais reconnaître le visage de mes proches et est-ce que je vais revoir les couleurs? Je suis pas sûre. Alors évidemment que ça serait mieux, la télé en couleur, ça a été beaucoup mieux que la télé en noir et blanc quand on l'a eu, mais pour autant, je pense que la définition prime sur la couleur dans l'immédiat et que on peut très bien identifier beaucoup de choses en noir et blanc. La couleur, ce sera un plus. Pour cela, il faudrait pouvoir reconstruire l'image que trient les cônes, c'est-à-dire des photorécepteurs un peu spécifiques qui, en fonction de leur composition, peuvent dire quelle est la longueur d'onde qui compose un peu la lumière qui arrive, et donc la couleur prendre naissance au niveau de la rétine à ce niveau-là. Je ne sais pas où en est exactement la possibilité technique pour cela, mais je pense que déjà une très bonne résolution en noir et blanc, ce serait déjà très bien. Une très bonne résolution, ce serait combien pour vous, à peu près? Déjà pouvoir aller jusqu'à effectivement le seuil de cécité dont parlait Serge au début, à savoir un vingtième, un dixième. Aller à un dixième, déjà, c'est énorme. Autre question évidemment centrale, on l'évoquait tout à l'heure, celle du coût de ces technologies, et puis évidemment nécessairement pour développer des technologies innovantes, il faut un retour sur investissement, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, il y a des pistes pour réduire le coût de ces dispositifs, Serge Picot? Les pistes, c'est finalement le nombre d'implants qui seront vendus. La massification. Oui. Puisque en fait, si vous vendez beaucoup d'objets, vous pouvez en réduire le coût parce que vous allez pouvoir le produire beaucoup plus massivement et donc vous allez effectivement réduire le coût. Et donc si effectivement cette nouvelle génération d'implants devient disponible pour des patients avec une dégénérescence maculaire liée à l'âge, on sait que le nombre de patients est beaucoup plus important que pour les maladies rares. Et donc en fait, si on associait le nombre de patients atteints de maladies rares plus les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge, eh bien peut-être que là, on aurait un nombre de patients suffisant pour pouvoir produire plus en masse et donc réduire effectivement les coûts de ces implants. Marie-Noël Delifer, à ce propos? Non, c'est sûr qu'il y a... C'est un vrai problème. Et pour les patients, encore une fois, les implants qui ont été arrêtés aujourd'hui, en tout cas les... d'implants Argus 2 qui ont été implantés, vont bien, ces implants. C'est juste effectivement un problème de répartition de l'investissement. ça a un coût. Et c'est vrai qu'il y a des investisseurs privés qui sont dedans. Il y a aussi certains soutiens institutionnels, mais ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent à la fois d'élaborer la technologie et après de le valider avec le suivi, avec toute la méthodologie qu'il faut pour avoir des études valides qui puissent confirmer à la fois l'innocuité et l'efficacité pour les patients. Vous évoquiez tout à l'heure, Marie-Noëlle Delifert, d'autres pistes de recherche de certaines de ces sociétés. Notamment, vous parliez de stimulation corticale ou transcrânienne. Alors, c'est vrai qu'il y a, alors il faut aussi, il n'y a pas, il y a l'implant le plus abouti aujourd'hui, c'est effectivement l'implant de chez Pixium. Mais il y a d'autres firmes qui vont développer d'autres implants rétiniens, donc c'est pas totalement fini pour les implants rétiniens. Et effectivement, l'autre voie de recours pour les pathologies sécitantes qui ne touchent pas les photorécepteurs, c'est d'aller stimuler directement le cerveau. Et donc d'apporter au cerveau l'information toute construite par la voie visuelle. Alors là, c'est un défi encore plus important parce que on s'adresse pas uniquement à transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique, mais aussi à traiter l'information pour pouvoir transmettre à la fois la forme, la précision dans l'espace de la position de l'objet, ainsi de suite jusqu'au cerveau. Alors il y a 5 patients qui ont été traités par l'implant cortical de Second Sight. Je sais qu'il y a une autre firme qui travaille sur l'implant cortical également. Ce serait un défi technologique merveilleux, mais qui serait du ressort de la neurochirurgie. C'est pas forcément un problème, mais c'est une chirurgie qui serait très lourde, en tout cas au début, pour la validation. Et après, c'est sûr que ce serait idéal, parce que des pathologies qui sont exclues de l'implant rétinien, comme le glaucome, les pathologies vasculaires comme le diabète, les traumatismes, la myopie forte, toutes ces pathologies qui altèrent la rétine qui n'est pas substituée par ces implants rétiniens actuellement, pourraient bénéficier de ces nouveaux implants. Il y a un auditeur qui nous écoute et qui commente l'émission sur Twitter et qui dit pourquoi finalement des implants plutôt qu'une caméra adaptée type smartphone et une application avec retour audio dans un casque Bluetooth pour éviter de passer sur le billard pour ne gagner que 360 pixels pour le moment. Il y a des applications comme ça. Il y a une application qui est de cet ordre-là où en fait certains patients peuvent reconnaître en fait des objets, même des expressions faciales, avec en fait un retour juste auditif. Donc ça existe déjà. Après, je pense qu'il faut être très bon au niveau auditif. Moi, je suis très mauvais musicien et j'aurais beaucoup de mal, je pense. Mais je pense que ceux qui ont des qualités auditives pourraient. Marie-Noëlle Delifert, vous disiez ? Il y a des lunettes actuellement, des systèmes optiques qui, chez les personnes non-voyantes, sont capables de mémoriser avec un travail de photographie primaire. En fait, quand la personne met ses lunettes, les allume, et quand ce visage se présente, il y a une petite voix qui dit dans l'oreille du patient, c'est Marc, c'est Paul, c'est Thomas. Avec de la reconnaissance faciale. Oui, et puis pareil pour la lecture des petits caractères dans les supermarchés, sur les étiquettes, sur les prix. On peut également avoir une reconnaissance numérique de ce qui est présenté aux patients. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marie-Noëlle Delifert, merci Serge Picot, merci Léo Pio d'être venu aujourd'hui dans la méthode scientifique. Merci aux camarades de France Bleu Gironde pour le duplex depuis Bordeaux. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et Thibaut Nassimben à la technique. Aujourd'hui c'est mercredi, comme tous les mercredis, c'est le jour de retrouver les idées claires sur votre application de podcast favorite, ainsi que sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Le thème aujourd'hui, puisqu'il y a un rassemblement qui est prévu dans quelques jours autour de la zone 51 qui doit être envahie par des millions de personnes, eh bien, dans les idées claires, nous essayons de vous expliquer s'il y a ou non des extraterrestres cachés par le gouvernement dans la zone 51. Vous verrez que, a priori, c'est quand même assez peu probable. Demain, nous nous intéresserons aux scientifiques détectives à l'occasion de l'ouverture de l'exposition La science criminelle aux Archives nationales. Nous nous transformerons en limier avec microscope, spectrographe et autres tubes à essai. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.